Chapitre 13. Aimer et trahir. Zigomar s'approcha encore de Madame Garitza et lui prit la main. « Vous êtes nerveuse ce soir, ma chère. Comme toutes les grandes amoureuses, vous êtes dans un moment de sacrifice, de mélodrame. C'est très joli. Mais vous jouez la comédie, ici, devant moi, moi seul. Et vous n'êtes pas de taille à tenir ce rôle contre moi. Le colonel n'aura pour vous aucune pitié. Parce qu'il sera déshonoré quand même par vous. Par moi. Oui, ma chère. Si vous ne me donnez pas les pièces après-demain, c'est moi qui irai les prendre. Or, comme vous aurez disparu, d'une façon que je vous ferai connaître après-demain soir, et qui vous fera, rien qu'à son annonce, hurler de douleur. Quand vous aurez disparu, dis-je, le colonel trouvera ici chez vous les preuves de votre trahison. Comprenez-vous? C'est vous qui aurez livré les pièces, c'est vous qui aurez déshonoré votre cher colonel, c'est vous qui aurez fait tomber sur ce beau, loyal et confiant soldat tout l'opprobre de la nation française, vendu et trahi par lui. » Madame Garitza essayait douloureusement d'interrompre Zigomar. « Non, non, pas ça, » répétait-elle avec des sanglots. « Pas ça, ce serait trop infâme. Non, non, pas ça. » Elle s'était jetée à genoux devant Zigomar, tenait dans ses mains crispées ses mains, s'accrochait à lui, se laissait traîner par lui, car toujours souriant, il se dirigeait vers la porte. « Allons, ma chère, » fit le bandit, « vous avez 2 jours pour m'obéir et me faire oublier cette comédie inutile. » C'est aujourd'hui mercredi. Vendredi, je serai ici à la même heure. Vous me confierez les documents. Le lendemain, vous les remettrez en place. Si le contre-espionnage parvient à savoir que le DR est livré, ce ne sera que dans longtemps, alors que vous aurez eu le loisir d'assurer officiellement, légitimement, votre bonheur et celui du colonel. Sinon, samedi, le colonel saura que vous avez livré les documents que j'aurai pris moi-même. Et devant ce double désastre, le colonel traître à la patrie n'aura plus qu'à se punir lui-même pour éviter le conseil de guerre. C'est vous qui l'aurez déshonoré, c'est vous qui l'aurez suicidé. Au revoir, ma chère. » D'un coup sec, il détacha les mains de Madame Garitza qui se cramponnait désespérément, suppliant à lui. Il secoua ses mains pâles, exsangues, froides dans un shaken railleur. Puis, tirant les bras de Madame Garitza à lui, il lui fit redresser le buste, ensuite la repoussa, et il envoya violemment rouler sur le parquet la malheureuse femme sans connaissance. Puis il s'en alla. Vaulin-Broquet attendit quelques secondes et écouta. Quand le bruit de la porte refermée lui apprit que le bandit était parti, il quitta sa cachette. Doucement, prudemment, sans que Madame Garitza, anéantie, écroulée sur le tapis, pût se douter de sa présence, il traversa le salon, se rendit dans le couloir, puis fit rapidement le tour de l'appartement, fouillant de la main dans les coins où quelqu'un pouvait se cacher. Il voulait, avant de faire quoi que ce fût, s'assurer que personne ne pouvait le voir, intervenir. Il tenait à être certain que non seulement Zigomar était parti, mais qu'il n'avait laissé personne derrière lui. Pendant qu'il se livrait à cette inspection, dans l'appartement, Zigomar aurait le temps de descendre l'escalier, de gagner la rue. Vaulin-Broquet, enfin rassuré sur ce point, ayant acquis la certitude que réellement il n'y avait personne dans l'appartement, se rendit dans la chambre à coucher et vint à la croisée, à la même place que tout à l'heure occupait l'homme inattendu. Se mettant à genoux pour que sa silhouette ne se montrât pas au dehors, il écouta et épia ce qui se passait dans la rue. Le bruit de la porte d'entrée qui se fermait lui certifia que le bandit ayant, dans la maison, accompli sa tâche, venait définitivement de s'éloigner, de partir. Alors Vaulin-Broquet revint dans le salon. Après avoir pris sur la coiffeuse de la chambre à coucher un flacon d'eau de Cologne, il aspergea le front de la jeune femme et lui tapota dans les mains. Ce fut un cri douloureux qui montra au détective que cette malheureuse recouvrait ses sens. « Encore vous ? » fit-elle. « Ah, pourquoi ne m'avez-vous pas laissé mourir ?» Doucement, de sa voix la plus affectueuse, Vaulin-Broquet, comme on parle à un enfant, lui dit « Non, madame. » Je ne suis pas celui que vous redoutez. » Brusquement, Madame Garitza se ressaisit, surprise par le son inconnu, inattendu de cette voix. Anxieuse, elle se dressa d'un bond. « Qui êtes-vous? Que me voulez-vous ? » Puis, reconnaissant le détective, « Vaulin-Broquet !» s'écria-t-elle, ouvrant de grands yeux effarés. Et apeurée de nouveau, elle s'éloigna, s'écarta, courut se réfugier dans un coin du salon. « Madame, » dit tout doucement le détective, « remettez-vous. Rassurez-vous. ce n'est pas un ennemi qui vous parle. Écoutez-moi sans crainte. Approchez-vous. Venez ici. Asseyez-vous dans un fauteuil. Laissez-moi rafraîchir encore vos tempes. » Il alla à elle, lui prit la main, l'amena doucement au fauteuil. Madame Garitsa se laissa entraîner. Elle semblait sans volonté, comme sans force et prête à se courber encore sous la nouvelle fatalité qui allait s'appesantir sur ses épaules de victime déjà si lourdement chargée. « J'ai tout entendu, madame, » commença Paulin Broquet. « J'ai assisté à la scène terrible qui vient de se dérouler. Ne me demandez pas comment j'ai pu me trouver dans votre salon, ni pourquoi j'y suis, mais écoutez-moi. Pouvez-vous m'entendre, me comprendre ?»« Oui, monsieur. » »« Bien. » Je serai d'ailleurs aussi bref et aussi explicite que possible. Voici. Vous venez d'être menacé par cet homme de ce qui, pour vous, sera la plus atroce, la plus odieuse des condamnations. Oh oui, monsieur. Je peux écarter de vous cette menace, la rendre sans effet, et faire que ce châtiment ne puisse être exécuté. Vous, monsieur, comment cela? Parlez, parlez! Madame, je ne veux pas rappeler ici le passé, mais c'est moi, vous vous en souvenez assurément, qui ai tiré au clair la singulière affaire de l'officier de marine, distrait, ayant égaré des documents précieux que j'ai retrouvés chez lui, où vous, alors sa chère amie, vous les aviez placés. C'est vrai, je m'en souviens. Donc, je vous connais, et c'est parfaitement à qui je parle et ce que je peux vous dire. Mais pour écarter ce dont je suis menacé, c'est bien simple, vous obéirez. Madame Garitsa tressaillit. Obéir? Livrer? Trahir cet homme qui a mis en moi toute sa confiance, tout son amour, le déshonorer? L'officier de marine de Toulon faisait de même, vous n'avez pas hésité. Celui-là, je ne l'aimais pas. C'est la seule raison valable. La seule excuse sans réplique pour vous, femme. Vous aimez donc le colonel? Plus que ma vie. D'ailleurs, puisque vous avez tout à l'heure assisté à la scène, vous devez le savoir. En effet. Aussi dois-je vous répéter ceci. Vous obéirez au maître. Non, monsieur, non, non. Si, madame, si. Non. Je suis résolu à tout accepter. À mourir dans les supplices que le maître me réserve, mais je ne trahirai pas le colonel de Fongrive. Je ne le déshonorerai pas. Cependant, inutile, monsieur, d'insister. Je ne comprends pas pourquoi vous, Paulin Broquet, homme de justice et d'honneur, vous me dites d'obéir à ce bandit. J'ai aussi mes raisons pour cela. Peu m'importe. À vous, pas plus qu'à lui, je ne céderai. Je souffrirai, je mourrai, soit, mais je ne trahirai pas mon amour. Puis, plus doucement, sur un ton de prière, Madame Garitsa reprit. Cependant, monsieur, votre cause à vous ne peut être la même que celle de cet homme infernal. Vous êtes, vous, sévère, impitoyable devant le crime, mais juste et loyal. Je sais aussi que vous êtes généreux, que vous êtes bon pour ceux qui souffrent, et que vous avez pitié du faible que le fort accable. Je sais combien vous avez été bon pour une femme qui, comme moi, se trouvait dans les mains de ce bandit, ce que vous avez fait pour elle, pour son enfant. Je sais comment, et au prix de quels actes de dévouement, de courage inouï, de vaillance héroïque, vous avez enfin sauvé Miss Hayden. » Paulin Broquet eut un tressaillement en entendant ici prononcer ce nom, si profondément gravé dans son cœur. « Je me place donc sous l'égide de Miss Hayden, devenue votre femme, et je vous demande d'être pour la femme blonde que je suis aussi bon que pour la femme rousse. » Paulin Broquet serra un peu plus fort les mains de Madame Garitsa. « Moi, je vous demande de m'obéir. » De livrer les documents du DR? Jamais, monsieur, jamais. Vous ne m'avez pas comprise. En vous demandant d'être bon, je ne voulais de vous qu'une chose possible, faisable, facile. Laquelle? C'est que vous disiez au colonel de Fongrive, quand je ne serai plus à côté de lui, pourquoi je n'y suis plus. Je serai heureuse de savoir qu'après moi, vous apprendrez au colonel mon sacrifice et mon grand amour pour lui. Voilà tout, monsieur. Je vous demande seulement de m'obéir, madame, et tout cela peut-être deviendra inutile. Si vous étiez moins nerveuse, et c'est très excusable chez vous en ce moment, vous comprendriez que je ne puis rien vous demander qui soit néfaste au colonel de Fongrive. C'est juste. Pardon, oui, vous avez raison. Obéissez-moi et livrez les papiers que moi, tout exprès, j'aurais placé pour que vous vous en empariez. Vous les trouverez parmi les documents apportés par le colonel chez lui pour travailler sur le DR. Ces documents seront toujours placés de telle sorte que vous les reconnaissiez facilement. Ils seront dans une chemise de carton mince, portant au crayon bleu, dans un coin, ces deux lettres DR et ce signe X. Bien, monsieur. Prenez ces documents d'Edmain, livrez-les sans scrupule. Quand le maître vous les rendra, après les avoir photographiés, replacez-les au même endroit, dans les mêmes conditions. Tout ira bien ainsi. Le reste me regarde, et vous n'aurez plus aucune inquiétude à avoir. Que me demandez-vous en retour, monsieur ? Paulin Broquet, quelque peu étonné de cette question brusque, répondit cependant aussitôt : Voici. Je vous demande de me dire exactement qui est cet homme que vous appelez le maître. Qui est donc Isigo Martolo ? Vous me direz ce qu'il veut obtenir de M. Simonet, le chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères de France, ce qu'il veut faire de lui. Bien, monsieur. Vous me direz ensuite quel individu, en réalité, se cache derrière l'énigmatique James Benamol, qu'on assassine, qu'on trouve pendu et qui est plus vivant que jamais. Oui, monsieur. Vous me direz aussi qui est la belle comtesse Pepa d'Ortega. À ce nom, Madame Garitza sursauta. Ah, celle-là, celle-là ! S'écria-t-elle. Je la hais, je la hais ! Bon, fit en souriant Paulin Broquet, alors tout ira bien.